إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 29 dans l'explication des fondements de la salafia. Et donc on était en train de parler des sururiyya. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de Mohammed Zain Abidin Surur, puis on a parlé un peu de ça. Donc le cheikh, lorsqu'il est rendu, on était arrivé au cinquième personnage dans l'explication. On a parlé en premier de Hassan al-Banna, ensuite de Sayyid Qutb, ensuite de Al-Mawdoudi, ensuite de Muhammad Qutb, le frère de Sayyid Qutb. Ensuite, on a parlé de Muhammad Zain Abidin Surur. Puis, on a donné une petite explication des distinctions qui existent entre les Sururiyya puis la Salafiyya, pour faire comprendre clairement quelles sont les divergences et les différences. Mais on n'a pas donné d'exemple, des paroles de Muhammad Surur à ce sujet-là. Donc ça, on va y revenir, inshallah. Le Cheikh il dit وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنْهُ. Donc ça, on va y revenir avec les paroles de Muhammad Surur qui montrent la réalité de son manhaj dans ses livres. Et ensuite, le sixième personnage qui est mentionné parmi les têtes des Hizbiyin à notre époque et des gens de Bid'a, c'est Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq, c'est le sixième. Et Abdurrahman Abdul Khaliq, c'est un homme d'origine égyptienne. Et il a étudié à l'université de Médine. Et il faisait partie des premiers qui ont étudié dans cette université-là. Et même que Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali dit à son sujet qu'il était un de ses compagnons de classe. Donc il était un de ses compagnons de classe parmi les gens qui ont étudié avec lui. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est qu'il est parti au Koweït et puis qu'il a commencé à rentrer dans des choses qui sont contraires au manhaj, commencé à critiquer les ulama avec qui il a étudié et commencé à également appeler à des idées comme par exemple de rentrer dans la démocratie, dans les parlements, des trucs comme ça. Puis il y a beaucoup d'autres choses encore. Vous allez voir des exemples de ça dans les paroles que le cheikh il a mentionné de ses livres. Il قال في كتاب خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية صفحة 72 إن دولتنا إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة بها إلا في بعض ما يسمى بالأحوال الشخصية. Donc ça c'est un exemple de parole de Abdurrahman Abdul Khaliq. Donc il fait partie donc de ceux qui appellent à qu'est-ce qu'on appelle souvent al-hakimiyya, ceux qui appellent à al-hakimiyya, tawhid al-hakimiyya, et qui se concentrent sur ces questions pour faire des fitanes sur le takfir des dirigeants, puis sur la question la question de la politique. Donc il parle ici dans son livre les lignes principales pour faire revivre la Ummah islamique. À la page 72, il dit que nos pays arabes et islamiques, de façon générale, il n'y a aucune ombre de la charia dedans. Il n'y a aucune ombre de la charia dans nos pays musulmans et dans nos pays arabes, excepté dans certaines choses qu'on appelle comme par exemple les codes civils, excepté dans qu'est-ce qu'on appelle les codes civils ou les codes de statut personnel. Donc ça, c'est un exemple de généralisation de sa part, de dire qu'il n'y a pas d'ombre de la charia dans les pays arabes, dans les pays islamiques. Ça, c'est une généralisation qui est fausse, puisque il y a l'Arabie Saoudite qui applique la charia, et on ne peut pas dire donc qu'il n'y a pas d'ombre de la charia dans nos pays musulmans. Il y a ensuite un autre exemple. Il dit « وقال في نفس الكتاب صفحة 76 ساخرا من علماء السنة والتوحيد واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيد والنفاس والطلاق. يعني سبحان الله. C'est la façon comment il dénigre les ulama et comment il se moque d'eux. Il dit par exemple, aujourd'hui, malheureusement, on possède uniquement des shuyukh qui comprennent juste les aspects extérieurs de l'islam. يعني selon par rapport au de façon qui correspond aux époques anciennes, selon les comparables aux époques anciennes. Il dit, à quoi sert un savant qui a étudié la charia que si on l'appelle au djihad ou à porter des armes, il va dire ça fait pas partie des affaires des hommes de la charia. Nous, on est seulement capable de faire des fatwas dans le halal et dans le haram, et dans ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite, dans les menstruations et les écoulements après l'accouchement, ou bien au sujet du divorce. Donc, ils se moquent des savants de cette façon, comme si en voulant dire que les savants, ils prennent pas les armes, puis ils font juste des fatwas dans ces questions-là. Donc, pour eux, pour lui, ça c'est un blâme pour les ulama. D'accord? Donc, ça c'est la façon dont on sait que les gens de Bid'a, c'est comme ça qu'ils attaquent les ulama. Et une des caractéristiques des gens de Bid'a, c'est qu'ils se moquent ou qu'ils insultent ou qu'ils attaquent les gens de la Sunna et les ulama de la Sunna. Donc, il dit ensuite dans un autre magazine, dans un autre endroit, il dit « قال في مجلة البعث الإسلامي في معرض كلامه عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال ولكنها لم تعرف بالتجديد والاجتهاد لهذا سماها دكتور عمارة السلفية النصوصية يقصد بالنصوصية الحرفية في فهم النصوص وقد يكون عذر هذه الحركة أنها نشأت في مجتمع بسيط بعيد عن معترك الحضارة تغلب عليه حياة البداوة. Donc, il se moque ensuite et il décrit la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab d'une manière pour le dénigrer et pour dénigrer sa da'wa dans Majallatul Ba'th al-Islami, le numéro 3 à la page 57. Lorsqu'il parle donc de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « mais elle n'a pas été connue comme étant une da'wa de réforme et d'ijtihad ». Il dit, c'est pour ça que Dr. Amara, il l'a déclaré ou il l'a décrit en l'appelant une salafia nususiya, c'est-à-dire une salafia qui se base uniquement sur les textes de façon littéraliste, une façon littéraliste de comprendre les textes. Ça, c'est les critiques des gens de bid'a et les critiques des kuffars, comment ils critiquent la da'wa salafia. Après, il dit, et il se peut que l'excuse de ce mouvement vient du fait qu'il est né dans une société simple, loin du champ de bataille de la civilisation, et une société, une société qui est axée plus sur la vie de style comme les bédouins, en voulant dire que c'est la vie des bédouins qui a le dessus sur cette société-là. En parlant de la société du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en voulant dire qu'il est né dans une société, les gens là-bas c'est des bédouins, donc ils sont loin de la civilisation, donc en voulant dire leur da'wa c'est plus axé sur les textes que sur autre chose. Et c'est une façon de critiquer la salafia un peu à la méthode des gens de bid'a et des kuffars. Ensuite, il y a un autre personnage qui est mentionné, c'est le personnage 8. C'est pas le 8, parce qu'il mentionne les numéros par citation. Donc 6 et 7, c'était Abdurrahman Abdelkhaliq. Ensuite, numéro 8, l'exemple numéro 8, c'est les paroles de Oussama bin Laden et Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri et Oussama bin Laden, ils sont connus les deux, c'est les deux chefs de Al-Qaïda, la secte des Khawarij, et il dit à leur sujet, Oussama bin Laden, mimman ta'assara bi fikri Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri, mimman ja'ala kutub Sayyid Qutb دستورا له. قال الزواهري في مجلة المجاهدين التي صدرت في أبريل عام 1995 مقال عنوانه الطريق إلى القدس يمر بالقاهرة. قال لم تفتح القدس إلا إذا حسمت المعركة في مصر والجزائر إلا إذا فتحت القاهرة. لن تفتح القدس إلا إذا حسمت المعركة في مصر والجزائر إلا إذا فتحت القاهرة. نعم. donc le cheikh il dit que Oussama bin Laden fait partie des gens qui ont été influencés par les idéologies ou l'idée de Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri fait partie des gens qui ont suivi les Ikhwan en Égypte. Et lorsque Sayyid Qutb était emprisonné, lui il était aussi emprisonné avec Sayyid Qutb. Oui, il est vieux, il n'est pas jeune. Et c'est un médecin à la base. C'est un médecin, il a étudié la médecine. Donc, il fait partie des Ikhwan, parmi les gens qui étaient avec Sayyid Qutb en prison. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et ensuite, il dit donc que Oussama bin Laden a été influencé par celui-ci. Et Ayman al-Zawahiri, il a pris comme ses idées, ses bases, Son fondement ou sa constitution pour ses idées, c'est les livres de Sayyid Qutb qui sont ses fondements et sa base. Et dans un magazine qui s'intitule Al-Mujahidun ou Al-Mujahidin, qui a été publié en avril 1995, il dit dans un article qui s'intitule La voie vers Al-Quds passe par le Caire, La voie vers Al-Quds passe par le Caire. Il dit que on va pas être capable de prendre le Quds, excepté si les combats en Égypte et en Algérie sont réglés, et puis excepté si on a pris la ville du Caire, en voulant dire qu'on a pris l'Égypte. Yani, subhanallah. Et ensuite il dit. وأما أسامة بن لادن فقد تأثر بالزواهري يقول منتصر الزيات محامي بما يسمى بالإسلاميين في مصر كما نشرت جريدة الشرق الأوسط عدد 923 يوم الأحد نقلا عن كتابه الطريق إلى الجنة واستطاع الزواهري أن يحدث تحولات جذرية واستراتيجية في فكر أسامة بن لادن بعدما التقيا معا في أفغانستان منتصف عام 1988 وشيخ أسامة الأول هو محمد سرور وهو شيخه الفكري وشيخه العلمي والعملي هو الزواهري وكلام العلماء في التحذير من أسامة بن لادن أشهر من أن يذكر. Donc le cheikh il explique ensuite que Osama bin Laden il a été influencé par Zawahiri comme on l'a dit tout à l'heure et Muntasir al-Zayyat qui était l'avocat des islamistes il dit dans un article de journal qui a été publié dans Sharq al-Awsat le numéro 923 c'était la date du 8 février 2004. Il citait de son livre Tariq al-Tariq ila al-Jannah, le chemin vers le paradis, que Az-Zawahiri il a été capable de faire des changements dans les fondements des idées de Ben Laden et dans la stratégie des changements dans les racines et des changements stratégiques dans la pensée de Osama bin Laden après l'avoir rencontré en Afghanistan au milieu de l'année 1988. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit que c'est à ce moment-là qu'il a réussi à vraiment changer beaucoup d'idées de Osama bin Laden dans sa stratégie puis dans ses fondements et ses idées. Ensuite, il explique que le premier cheikh de Osama bin Laden, c'était Mohamed Sourour. C'était lui son premier cheikh, celui dont on a parlé tout à l'heure. Puis, c'est lui qui est son cheikh dans ses idées, puis son cheikh dans la science, ou bien dans l'application, c'est Ayman al-Zawahiri. Et le cheikh, il termine en disant que les paroles des ulama au sujet de l'avertissement, des mises en garde contre Osama bin Laden sont très célèbres. Hein? Donc c'est presque pas nécessaire de les mentionner puisque elles sont très connues. Ensuite, donc ça fait partie des paroles à ce sujet-là. Okay? Et il faut, par exemple, qu'est-ce qu'on a dit à propos d'Abdurrahman al-Khaliq avant? Il y a un livre deux livres qui ont été écrits par Cheikh Rabi' pour réfuter Abdurrahman ibn al-Khaliq. Par exemple, un livre qui s'appelle Jama'atun la Jama'at. Hein? Jama'atun la Jama'at. C'est-à-dire une seule Jama'at et non pas plusieurs. Parce que Abdurrahman ibn al-Khaliq fait partie des gens qui défendent le multipartisme et la multiplicité des groupes islamiques. Hein, et il défend les groupes qui existent actuellement, comme les Ikhwan, Tablir et autres. Donc il supporte ces divisions-là. Et donc, Cheikh Rabi, il lui a écrit un livre pour le réfuter à ce sujet-là. Puis il a écrit un autre livre également pour le réfuter. J'ai oublié le titre, mais c'est un livre dans lequel il réfute Abdurrahman ibn al-Khaliq aussi. Il y a eu de nombreuses réfutations contre lui sur plusieurs points. En ce qui concerne Osama bin Laden, vous savez que parfois les takfiriens et les hizbiens et les sururis, ils vont parfois ramener des paroles anciennes de certains ulama, comme des paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen ou d'autres qui avaient dit du bien à l'époque de Osama bin Laden. Et ça c'était avant que le cheikh peut-être soit au courant de la réalité de cet individu-là. Parce que par la suite, les choses sont apparues et Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, il a mis en garde contre les gens de cette catégorie-là, comme Al-Mas'ari et d'autres. Et aussi, Cheikh ibn Baz, il a mis en garde contre Osama bin Laden bien avant le 11 septembre. Et la même chose pour Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, il a mis en garde contre Osama bin Laden. Et d'autres parmi les ulama aussi ont mis en garde contre bin Laden avant le 11 septembre. Donc c'était pas seulement relié au 11 septembre que les ulama avaient mis en garde contre Osama bin Laden, mais c'était déjà auparavant qu'il avait des déviations puis des égarements dans son manhaj et dans sa compréhension de l'islam. De toute façon, Osama bin Laden, c'est pas quelqu'un qui fait partie des ulama, et c'est pas quelqu'un qui fait partie non plus des tullab ilm. Hein? Osama bin Laden n'est pas connu comme étant un talib ilm ni comme un alim, et pourtant les khawarij, les takfiriyin à notre époque, ils l'ont pris comme un savant, ils le considèrent comme un savant. Et la preuve de ça, c'est que j'ai rencontré certains parmi ces gens-là à Montréal qui ont ces idées, et quand je leur ai posé la question qui sont les ulama, parce que je voyais qu'ils insultaient les grands ulama comme Cheikh Ibn Baz et d'autres, ils les rabaissaient puis ils parlaient contre eux. Alors je lui ai demandé qui sont les ulama dans ce cas, et il m'a cité Osama bin Laden. Alors j'ai compris que pour ces gens-là, Osama bin Laden est un savant, alors qu'en réalité c'est un jahil, il n'a pas étudié le ilm avec les ulama. Hein, je ne fais pas partie des tullab ilm ni des ulama. D'accord, donc ça c'est très important. Et ensuite, le cheikh il parle maintenant de al-jama'at al-sururiyya. Et là il va citer les paroles des ulama au sujet de la sururiyya de façon plus détaillée. Hein, et ça c'est comme je disais dans les cours précédents, les exemples des réfutations des ulama au sujet de Mohammed Zain Abidine Sourour et de ceux qui suivent sa tendance. Et on sait que à Montréal il y a la mosquée Sunna, comme on l'avait dit plusieurs fois, qui représente la tendance de ce groupe-là, et qui ont toujours mis de l'avant le magazine qui était publié par Zain Abidine Sourour, justement, qu'on appelle As-Sunna, son magazine qui s'appelait As-Sunna, et un autre magazine aussi qui s'appelait Al-Bayan. Hein? C'était des exemples de ce qu'il propageait, et il faisait la publicité pour ce magazine-là dans leur mosquée, alors qu'il n'y avait aucune autre mosquée à Montréal à cette époque-là qui connaissait même ce magazine-là. Hein? Donc les Sururi, ils ont travaillé là-dessus. Et il paraît qu'au tout début, il était correct. Hein? Au tout début, ce magazine, quand il est sorti, il était bon, il parlait de la sunna, puis des choses de ce genre, puis que par la suite il a commencé à changer vers une direction, une orientation politique, puis de plus en plus on a vu apparaître des paroles et des idées d'extrémisme, de paroles contre les dirigeants, et ainsi de suite. C'est là qu'on a vu que cet individu-là était dévié. Donc le cheikh il dit كلما تباعد الزمان كثرت الطوائف وتوافرت الافكار الدخيله على الاسلام ومن الخطوره بمكان ان بعض هذه الدعوات تدعي السلفيه مما جعل كثيرا من الشباب يختاروا بهذه الدعوات ومن هذه الدعوات او من هذه الجماعات السروريه قال الشيخ احمد النجمي ومن ولائد الإخوان من ولائد الإخوانية السرورية والقطبية وهما فرقتان أو حزبان انفصل من الإخوان من الإخوانيين فالسرورية تنسب إلى محمد سرور زين عابدين الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن ويصدر مجلة السنة وهذه الفرقة تسمى السرورية بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم أو هي سمت نفسها أو سماها بعض القادة فيها. Donc il explique que premièrement, plus qu'on s'éloigne du temps et de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus que le nombre des groupes augmente, et plus que les idées plus que les idées commencent à se propager, parmi les idées qui se sont introduites dans l'islam, qui se sont infiltrés dans l'islam. Et il dit que c'est très dangereux, et surtout lorsque certains de ces groupes-là essaient de se dire salafi. Hein? Ça, c'est quelque chose qui peut tromper beaucoup de jeunes par ces idées-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh, il dit donc que parmi ces différents groupes qui peuvent tromper les jeunes, il y a As-Sururiyya. Et le cheikh Ahmed al-Najmi a dit à propos de ce groupe, et on va, je vais vous lire par exemple des exemples de qu'est-ce que j'ai traduit dans le livre que j'avais traduit du cheikh al-Wassabi, dans l'introduction, que j'avais traduit des paroles du cheikh Cheikh Ahmed al-Najmi dans son livre Al-Mawrid al-Uzb al-Zulal au sujet des Ikhwan, il dit que parmi les enfants de la secte des Ikhwan al-Muslimin, on compte la secte des Sururiyya et la secte des Qutbiyya. Ce sont deux sectes qui se sont séparées de la secte des Ikhwan, et la secte des Sururiyya tient son nom de Muhammad Surur ibn Naif Zain al-Abidin, qui est présentement à Londres et qui publie un magazine qui se nomme As-Sunnah. D'accord? Donc ça, c'est ce que le Cheikh Ahmed al-Najmi a donné comme introduction. Naam. D'accord. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il a dit comme introduction. Puis après, il mentionne les paroles de Zain al-Abidin Surur lui-même, qui décrit ce groupe et qui explique et qui mentionne yani, comment il a eu son cheminement. Donc Zain al-Abidin Surur, il explique qu'il a passé 10 années dans le groupe des Ikhwan, puis qu'il avait constaté il est rentré dans la secte des Ikhwan depuis l'âge de 10 ans, c'est ça qu'il dit, puis que par la suite il a constaté dans cette secte ou dans la secte des Ikhwan plusieurs contradictions, plusieurs erreurs, et le fait que certains d'entre les membres de ce groupe-là ont différentes formes de aqidah et différents manahij. Donc il a vu les erreurs dans ce groupe-là, et puis il a décidé de le quitter, et il a fait par la suite son propre groupe, hein, et il a donné à ce groupe-là le nom de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Toutefois, comme le cheikh Ahmed al-Najmi le mentionne, qu'il a dans ses idées, dans ses paroles, beaucoup de choses qui sont en contradiction avec Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc, parmi les exemples que le cheikh il mentionne ici, il dit ثم قال ثم قال الشيخ أحمد النجمي حفظه الله إن السرورية وليدة الإخوانية تحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي إلا أن واقع السرورية الذي علمنا خلاف ذلك ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة له إلا أن الاسم لا يدل على مسمى أو إلا أن الاسم لا يدل على المسمى فما كان سب الحكام والمسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح وإنما منهج الخوارج والخطورة تمكن في هذا المنهج أن صاحب هذه الدعوة يدعي السلفية ويتبرأ من العقائد والأحزاب المبتدعة ولكنه خالف منهج السلف بعدة أمور منها فكره التكفيري حيث تقرأ في مجلته السنة الكثير من العبارات التي فيها تكفير لحكام المسلمين وتنقص من علماء الأمة الربانيين. Donc le cheikh il dit que la sururiya, donc ça vient de la secte des Ikhwan, c'est une des branches qui a découlé des Ikhwan. Puis on les reconnaît dans le sens qu'ils suivent la même voie qu'eux, puisqu'ils insultent les hukam et ils les maudissent. Et même si le fondateur de ce groupe prétend être sur le manhaj salafi, sauf qu'on voit que dans la sururiya, il y a des choses qui sont en contradiction avec la voie des salafs. Et il dit « Lestu aqta'u bi anna hadhihi al-jam'a tabi'atun lahu » illa anna al-ism la yadullu ala al-musamma. Donc il dit, je ne vais pas dire de façon certaine que ce groupe est vraiment relié avec les Ikhwan directement, sauf que le nom qu'il prétend, le nom qu'il se donne, n'indique pas la réalité de ce qu'ils suivent. C'est-à-dire qu'ils se prétendent salafis, mais ils n'ont rien à voir avec la voie des salafs, parce que l'insulte des dirigeants et l'insulte des musulmans ne fait pas partie du manhaj des salaf al-salih, c'est uniquement le manhaj des khawarij. Ensuite il dit, et le danger dans ce manhaj en particulier, c'est de façon plus particulière du fait qu'ils se prétendent salafis. Et ils se désavouent des fausses croyances et des faux groupes de bid'ah, alors qu'ils contredisent le manhaj des salaf sur plusieurs points. Et parmi ces points-là, le cheikh il commence par mentionner les idées, c'est-à-dire le takfir qui est fait par ce groupe. Il dit du fait que si tu regardes dans son magazine qui s'appelle As-Sunnah, dont on a parlé tout à l'heure, tu vas trouver beaucoup d'expressions et beaucoup de paroles qui mentionnent, comme qui montrent qu'il fait le takfir des dirigeants et qu'il dénigre et qu'il rabaisse les ulama de la umma. Donc il mentionne des exemples de ça. Il dit wa fil adad al-thalith wal 20 min dhil-hijjah qala wa sinfun akhar ya'khuduna mawaqif بمواقف أسيادهم فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل ويقيمون النكير على كل من خالفهم وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون ويتجسسون ويكتبون التقارير ويفعلون وعليكم السلام ورحمة الله ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم. وهؤلاء قلة والحمد لله ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي وأوراقهم مكشوفة وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم زعموا بأنهم حماة السنة. يا إخواننا لا تغرنكم هذه المظاهر, فهذه المشيخة صنعها الظالمون. ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن. الله المستعان. Donc ça c'est un exemple de citation tiré d'un des magazines de As-Sunna de Mohamed Sourour. Et je vais vous lire la traduction que j'avais faite de ce passage justement dans la traduction du livre que j'avais fait à ce sujet-là. On avait traduit cette partie-là. Yani, ça fait partie des paroles graves yani, qu'il dit. Yani. Donc qu'est-ce qu'il dit dans ce magazine? C'est le magazine numéro 23. Magazine As-Sunna, numéro 23, à la page 29 et 30, sous le titre « Les aides officielles ». Il dit « Une autre catégorie prennent sans gêne et ils rattachent leur position à celle de leurs dirigeants. Si leurs dirigeants cherchent l'aide des Américains, l'esclave se met à rassembler les preuves qui permettent cela. Hein, » Regardez, il parle des savants, il les appelle l'esclave. Hein, il appelle les savants « esclaves ». Il dit si leurs dirigeants cherchent l'aide des Américains, l'esclave se met à rassembler les preuves qui permettent cela et se met à dénoncer celui qui les contredit. Et si le dirigeant a un conflit avec l'Iran, qui prône la croyance des Shi'as et la secte des Rafidah, l'esclave se souvient alors de ce que les Rafidah ont comme ont de croyance. L'esclave se souvient alors de ce que les Rafidah ont de mauvais et l'égarement de leur manhaj, ainsi que leur animosité pour les gens de la Sunna. Puis, lorsque le conflit est terminé, l'esclave se tait et il cesse de distribuer les livres qu'on leur a donnés. C'est une catégorie de gens. Ils mentent et espionnent. Ils écrivent des rapports et font tout ce que les dirigeants leur ordonnent. Puis plus loin, il dit « Oh mes frères, ne vous laissez pas tromper par ces apparences. Cette position de son éminence, le cheikh, est fabriquée par les injustes et la tâche du grand cheikh n'est pas différente de celle des grands hommes des services de sécurité. » Vous voyez comment il compare les ulama à des agents de sécurité, comme si des services de sécurité, puis comme si en voulant dire que ce sont des espions qui espionnent et qui écrivent des rapports sur les gens, ainsi de suite. Et dans le passage qu'on a lu, la traduction ici dans le livre n'était pas mentionnée, mais ici il le mentionne dans le livre en arabe. Il dit ceux-là sont des intrus dans la da'wa. Ceux-là sont des intrus dans la da'wa et dans le travail islamique, et leurs feuilles sont dévoilées, et même s'ils laissent pousser leur barbe et qu'ils raccourcissent leurs vêtements et qu'ils prétendent qu'ils sont les défenseurs de la sunna. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il dit avant de dire ne vous laissez pas tromper par ces apparences. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'il dit dans ses livres. Ensuite, un autre exemple de ça, et ça vous allez voir encore, c'est encore plus clair dans le takfir qu'il fait. Comment il... Quand, ouais, ça c'est Mohamed Sourour qui dit ça. En tout cas, je ne le retrouve pas dedans, mais c'est pas grave. On va aller le traduire directement dans le livre. Il dit ثم يقول في نفس المجلة العدد السادس والعشرين تحت عنوان المستبدون والعبيد للعبودية طبقات هرمية الطبقة الأولى رئيس الولايات المتحدة جورج بوش الطبقة الثانية وهي طبقة الحكام في البلاد العربية وهؤلاء يعتقدون أن نفعهم وضرهم بيد بوش ولهذا هم يحجون إليه ويقدمون له القرابين والنذور والطبقة الثالثة حاشية الحكام العرب من الوزراء ووكلاء الوزراء وقادة الجيوش والمستشارين وهؤلاء ينافقون لأسيادهم ويزينون لهم كل باطل دون حياء ولا خجل والطبقة الرابعة والخامسة والسادسة كبار الموظفين انظروا إلى الأفكار التي انتهى كلامه انظروا إلى الأفكار التي يتكلم بها محمد سرور حيث لم يستثني من حكمه التكفيري أحدا حتى العلماء وهذه هي عقيدة الخوارج الجدد الذين لبسوا ثوب السلفية زورا وبهتانا وكان السلف يقولون إذا رأيت الرجل يطعن بأهل الحديث فاعلم أنه صاحب بدعة فكيف بمن يكفرهم. Donc le cheikh il explique ici, il dit regardez ce que dit Mohamed Sourour dans le magazine numéro 26 de l'année 1413, sous le titre « Les dictateurs et les esclaves ». Et il dit donc que l'esclavage, elle a des degrés comme une pyramide. Il y a le premier étage qui est le chef des États-Unis, le président des États-Unis, George Bush. C'est lui qui est à la tête de la pyramide. Après, la deuxième, c'est les dirigeants arabes, des pays arabes. Et eux, regardez ce qu'il dit. Et il dit, eux croient que le bien et le mal vient de la main de Bush, que c'est lui qui profite ou qui nuit. Oui, c'était autant de Bush, mais c'est que, regardez comment il parle des dirigeants et comment il parle des savants de l'islam par la suite. Donc il dit que ceux-là, ils font des... Donc, premièrement, ils attribuent aux dirigeants musulmans qu'ils croient en George Bush, que c'est lui qui profite et qui nuit, comme Allah. Donc, c'est comme s'ils les accusent de shirk et de croire que Bush, c'est Dieu. Hein? Comme si on voulait dire qu'il a le pouvoir de nuire ou de profiter. Hein? Alors que c'est Allah seulement qui peut nuire et profiter. Donc, il est en train d'accuser les dirigeants de faire le shirk en adorant George Bush. Alors que ça c'est une grave accusation. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et ensuite c'est pour ça qu'ils font le hajj vers lui et qu'ils lui donnent en sacrifice des animaux. Hein, ils lui donnent des sacrifices et ils lui font des vœux. Donc comme s'ils faisaient des actes d'adoration pour George Bush. Hein? Alors que ça c'est des fausses accusations. Premièrement c'est pas vrai et c'est même de les accuser de faire des actes d'adoration envers un dirigeant américain qui est même pas musulman, qui et qui il y en a déjà même les musulmans, il y en a qui vivent dans les pays musulmans, ils font même pas d'actes d'adoration pour leurs dirigeants, même s'ils le font parfois certains d'entre les gens qui adorent les tombes par exemple, ils vont faire ça pour les morts, hein. Ils vont faire ça pour des morts, ils vont aller à la tombe d'un saint, puis ils vont offrir des actes d'adoration pour le mort, ils vont sacrifier des animaux pour le mort, mais ils vont pas faire ça pour le dirigeant, hein. Alors lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que ces dirigeants-là, eux, ils vont aux États-Unis, ils adorent le dirigeant, ils font le hajj, hein, là-bas, puis des choses de ce genre. Et c'est des paroles graves. Ensuite, il dit qu'il y a un autre étage en dessous, c'est les gens qui sont autour du dirigeant, c'est-à-dire les ministres et les députés, les trucs comme ça, ou les chefs de l'armée et les conseillers politiques, ainsi de suite. Ils disent que ceux-là sont des hypocrites qui font tout pour leur embellir le faux qu'ils font sans aucune gêne. Et ensuite, il y a le cinquième étage, quatrième étage, cinquième étage, sixième étage, qui sont les hauts fonctionnaires. Ça, c'est la fin de la parole. Après, le cheikh, il dit, regardez les idées que mentionne Mohamed Sourour. Il n'a fait aucune exception dans son verdict de takfir. Il n'a exclu aucun d'entre les ulama. Et ça, c'est l'aqida des khawarij. Hein? Les nouveaux khawarij à notre époque, les néo-khawarij, qui se sont donné l'habit de salafi et qui se prétendent salafi alors qu'ils n'ont rien à voir avec la salafie. Et les salafs disaient, si tu vois quelqu'un insulter les gens du hadith, c'est-à-dire les gens d'Ahlul Hadith, les salafs, hein, les gens qui suivent la voie des salafs, sache que ce sont des gens de bid'ah. Si tu vois des gens qui insultent les ulama parmi les gens de hadith, sache que ce sont des gens de bid'ah. Alors, si c'est le cas pour celui qui les insulte, que dire de celui qui les déclare kuffar, hein, c'est encore plus grave. Donc celui qui déclare les dirigeants et les ulama de kuffar, c'est clair que ce sont des gens de bid'ah et ce sont des khawarij. Le cheikh, il mentionne d'autres exemples encore. Il dit « وَيَصِفُ كُتُبَ الْعَقِيدَ بِالْجَفَى حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ مَنْهَجِ الْأَنْبِيَى نَظَرْتُ فِي كُتُبِ الْعَقِيدَ أَنَّهَا كُتِبَتْ فِي غَيْرِ عَصْرِنَا وَكَانَتْ حُلُولًا لِقَوَايَا وَمُشْكِلَاتِ الْعَصْرِ الَّتِي كُتِبَتْ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ فَكُتُبُ الْعَقِيدَةِ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْجَفَافِ لأنها نصوص وأحكام، ولهذا أعرض الشباب عنها وزهدوا بها. فأجاب الشيخ ابن باز على هذا الكلام بقوله: هذا غلط عظيم. كتب العقيدة الصحيح أنها ليست جفاء. قال رسول الله: فإذا كان يصف الكتاب والسنة بأنها جفاء، فهذه ردة عن الإسلام. وهذه عبارة سقيمة ووخيفة وخبيثة فهذه عبارة سقيمة وخبيثة والكتاب الذي فيه هذا الكلام يجب تمزيقه ولا يجوز بيعه. Qu'est-ce qu'il dit, Mohamed Sourour? Il dit que j'ai vu les livres de Aqida, j'ai vu qu'ils étaient écrits pour une autre époque. C'était pas un des livres qui étaient écrits pour notre époque. Parce qu'il ne renferme pas les réponses aux problèmes de notre époque. Parce qu'elles n'ont pas été écrites pour notre époque. Puis après, il dit, et donc, les livres de Aqida, il y a beaucoup de sécheresse dedans. Parce que ce sont des textes et des règles. Et donc, à cause de ça, les jeunes s'en sont détournés. Et ils se sont éloignés de ces livres-là. Hein? Donc Cheikh Ibn Baz, il a parlé de cette citation de Mohamed Sourour dans son livre Manhajul Anbiya, Et il a dit, ça c'est une grave erreur, qu'est-ce qu'il dit? Parce que les livres de Aqidah ne sont pas sèches. Hein? On n'a pas le droit de dire que ce sont des livres qui sont sèches. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand tu lis dans les livres de Aqidah, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver, Allah a dit, le messager a dit. Donc si tu décris le Coran et la Sunna en disant que ça c'est sèche, parce qu'il y a des textes de la révélation dedans, qu'il y a des règles dedans, ça c'est une apostasie. Ça veut dire que tu as quitté l'islam. Hein? Et donc ça c'est une expression vraiment malade et sale et laide. Et donc il dit, quelqu'un qui dit ça, c'est une expression qui est mauvaise et laide et sale. Et donc il dit, le Coran dans lequel cette parole a été écrite doit être déchiré. Il n'est pas permis de le vendre. La parole dans laquelle cette parole a été écrite, le livre dans lequel cette parole a été écrite, il faut qu'il soit déchiré et il n'est pas permis de le vendre. Et le Cheikh Al-Fawzan, il a dit à propos de cette parole, وقال الشيخ الفوزان في نقد هذا الكلام لماذا نستورد أفكارنا من الخارج من محمد سرور أو غيره كتب العقيدة آفتها عند محمد سرور أنها نصوص وأحكام فيها قال الله وقال رسوله وهو يريد أفكار فلان وفلان لا يريد نصوصا وأحكاما فعليكم أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة التي يراد بها حرف شبابنا عن كتب السلف الصالح فإذا كان القرآن جافا والسنة جافة وكلام أهل العلم المعتبرين فيه جفاف فهذا من عمي البصيرة والعقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة لا من فكر فلان وعلان. Donc il mentionne les paroles de Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ajibatu Al-Mufida عن المناهج الجديدة. Il dit que Cheikh Al-Fawzan a dit à propos de la parole de Muhammad Surur, pourquoi on ramène des idées de l'extérieur comme les idées de Muhammad Surur et autres, et les livres de Aqidah pour Muhammad Surur, leur problème c'est qu'il y a des textes et des règles dedans, parce qu'on retrouve que Allah a, on retrouve dedans Allah a dit et le messager a dit. C'est ça qui est le problème pour lui dans ces livres là donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut lui des livres dans lesquels on retrouve les idées d'un tel et d'un tel. Il veut pas des textes de la révélation, il veut pas des règles de la charia dedans. Donc prenez garde à ces idées fausses qui sont infiltrées dans votre société, par lesquelles on veut égarer les jeunes, des livres des salaf al-salih. Parce que le Coran, si le Coran on dit qu'il est sèche, et on dit de la sunna qu'elle est sèche, et que la parole des ulama qui sont reconnus sont des paroles sèches, alors ça veut dire que ça fait partie de l'aveuglement. Et donc la aqidah, le cheikh il dit, la aqidah on ne doit la prendre que du livre, c'est-à-dire du Coran et de la sunna, et non pas des idées d'un tel ou d'un tel. Donc ça répond à la parole de Muhammad Surur lorsqu'il a parlé à ce sujet-là. Et ce livre-là, le livre de Muhammad Surur, Manhaj al-Anbiya, il était disponible dans leur mosquée à Montréal. Et ces magazines-là, ils étaient disponibles à Montréal, dans leur mosquée. Et personne n'a jamais condamné ces choses-là. Au contraire, ils en faisaient la promotion et ils incitaient les gens à lire ce genre de magazine. Hein? Donc ça, c'est pour dire que ces gens-là, ils n'ont aucun respect. Et comme la chose qui est vraiment étonnante, comme je voulais vous dire tout à l'heure à propos de ces gens-là, c'est qu'ils prétendent, ils disent qu'ils critiquent les dirigeants pour des choses qu'ils font qui ne sont pas correctes ou qui sont contraires avec l'islam. Et parfois, ce ne sont pas des affaires qui sont coufres, mais eux, ils les font devenir coufres. Ou bien, des fois, ce sont parfois certaines choses que certains d'entre les dirigeants ont fait, mais pas de façon générale. Et c'est pas tous les dirigeants qui ont fait ça, eux ils généralisent. De toute façon, qu'est-ce qui est étrange avec ces gens-là, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des choses pires que ce que ces gens-là accusent les dirigeants d'avoir fait, et pourtant, eux, ils ne disent rien alors, contre ce que ces gens-là ont dit ou ont fait, et au contraire, ils les défendent. Hein? Comme par exemple, il y a certains du'ats, certaines personnes qui sont connues comme étant des du'ats, hein, qui ont des paroles ou des croyances ou des actions qui sont en contradiction avec les fondements de la aqida et de l'islam, et eux, ils n'ont rien dit à leur sujet dans ces choses-là. Et pourtant, quand c'est des dirigeants, ils les déclarent kuffar. Donc ça, c'est quelque chose d'étrange. Regardez, il dit dans le livre, le Cheikh Al-Imam Al-Wassabi, le point numéro 2, il dit, ce qu'il dit au sujet des savants de la aqida, qu'ils sont les esclaves de l'esclave de l'esclave de l'esclave, et leur dernier maître est un chrétien. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, il a dit, faites attention à ceux qui parlent du tawhid alors qu'ils sont l'esclave de l'esclave de l'esclave de l'esclave, et leur dernier maître est un chrétien. Hein? Ça, c'est les paroles de Mohamed Sourour. Et aussi, il dit à leur sujet qu'ils sont des menteurs, des hypocrites et des espions. Hein? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit également sa glorification de Hassan al-Turabi. La glorification de Mohamed Sourour quand il a glorifié Hassan al-Turabi. Hassan al-Turabi, c'est un islamiste parmi les Ikhwan au Soudan. Et il est sorti de la Sorbonne, il a étudié à la Sorbonne, en France. C'est un homme égaré et écrasé sous le poids des réfutations et brûlé au vif par les foudres des savants de la Sunna à travers le monde. Parce que dans des livres qu'il a écrits, il a opposé la Sunna et la Salafia, et donc il s'est fait réfuter par tous les savants dans le monde entier. Hein? Parmi les idées qu'il a, qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna, il est de l'opinion que la pensée islamique doit évoluer et qu'il faut renouveler la pensée islamique. Un peu comme Tariq Ramadan, hein, qui appelle à la réformation de la pensée islamique et des fondements de Usul al-Fiqh. Le point numéro 2, son insulte de Adam et de Ibrahim. Donc dans ses livres, il insulte Adam et Ibrahim, alayhi salam. Sa croyance que le messager n'était pas infaillible dans les informations qu'il donnait au sujet des affaires de la dunya, dont les choses reliées à la médecine. Dans son livre As-Sarim al-Maslum fil Radd 'ala al-Turabi wa Shatim al-Rasul, à la page 7, il y a les explications à ce sujet-là. 4, il nie la descente de Isa à la fin des temps. Dans son livre Dirasat fi Sira an-Nabawiyya. Et également donc à ce sujet-là, vous allez voir, je vais vous mentionner d'autres exemples. Comme par exemple, qu'est-ce que Turabi a dit lorsqu'il a fait un discours aux délégations, parce que Hassan al-Turabi, quand il était au pouvoir au Soudan, il a organisé une grande convention ou un séminaire pour réunir toutes les religions. Il appelle à l'unification de toutes les religions au Soudan. En 93, si je ne me trompe pas, ouais, dans les années 90. Ouais, c'est ça, dans les années 90, parce qu'ici, c'est marqué le 29 avril 1993. Ils ont marqué ça dans le journal. Et parmi les choses qu'il a dit dans cette convention-là, dans l'article, il a dit, on peut lire que At-Turabi a mis beaucoup de confiance en les savants de la religion chrétienne et islamique, et les a invités à jouer un rôle actif dans le but de sauver l'humanité pour ancrer les valeurs de la paix et d'offrir aux différents peuples la tranquillité. Il a insisté sur le fait que le monde actuel se dirige vers l'unification des religions sous toutes ses formes, et c'est un message qui doit être livré de la meilleure façon. Le docteur At-Turabi a clarifié que cette convention pouvait jouer un rôle actif et influent dans l'unification des idées pour faire une unification entre toutes les religions sur une base humaniste dans le but d'amener le bonheur à l'humanité. Tout le monde sait très bien que l'unification des religions, c'est une croyance de kufr. Et le Cheikh Ahmed al-Najmi a commenté sur ce passage en disant, c'est en réalité pour amener le malheur et l'égarement à l'humanité. Celui parmi les musulmans qui croit que l'unification des religions sous toutes ses formes est la voie du bonheur est kafir, et son sang et ses biens sont halal. Hein? Il doit être ordonné de se repentir et s'il refuse, il sera exécuté, car il a démenti le verset dans lequel Allah dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Surat Al-Imran, verset 85. Donc, comment quelqu'un qui prétend être de Ahlus Sunnah wal Jama'ah et qui critique des dirigeants et qui attaque les dirigeants, comme le font les Khawarij, par la suite commence à défendre des gens comme At-Turabi, hein, défend des gens comme Hassan At-Turabi dans son magazine. Ensuite, il dit donc. Il dit, regarde, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi, il dit, ils le prennent pour un allié, car Surur le mentionne dans son sale magazine, qu'il nomme injustement As-Sunnah dans le volume 20, dans le numéro 23, juste après avoir attaqué les savants de la Aqidah et les savants du Tawhid. La page directement après, il dit, la défense de At-Turabi, le Da'ya, le grand savant islamique. Subhanallah, les balances sont à l'envers pour beaucoup de gens. Où est la justice, où est l'honnêteté? Les savants de l'Aqida et les savants du Tawhid sont les esclaves de l'esclave, c'est-à-dire ce sont des mushrikoun, qu'ils sont des mushrikoun, des munafiqoun, des menteurs et des espions. Et sur l'autre page, il défend le criminel, le mécréant, Hassan al-Turabi. Hein? Et vous savez qu'il fait partie de la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a de croire que celui qui refuse d'admettre la mécréance du mécréant, qui est initialement mécréant, il est donc lui-même mécréant. Hein? Et lui, il dit qu'il n'est pas permis de dire du juif et de dire du juif qu'il est kafir, et qu'il n'est pas permis de dire du chrétien qu'il est kafir. Donc Hassan al-Turabi, il dit que c'est pas permis de dire du juif et du chrétien qu'il est kafir, et pourtant Mohamed Sourou le défend. Donc ça fait partie des exemples. Quoi d'autre encore? Et un autre exemple. Leur glorification de celui qui se moque du hijab islamique et qui dit que c'est une tente. Hein? Regardez cette parole sale qui est une parole de kufr, comme l'a dit le comité permanent de l'Arabie Saoudite dans une réponse sur ce sujet. On a questionné le comité permanent au sujet de celui qui se moque du hijab de la femme musulmane et qui dit à son sujet que c'est une tente. Hein, aujourd'hui, il y en a qui disent que c'est une tente, il y en a qui disent qui se moquent de la femme voilée, et ils disent que c'est comme Batman, ou qui disent d'autres mots comme ça. Le cheikh, il dit, le verset suivant, il a dit que le comité a répondu en disant que c'est kufr. Et il a mentionné le verset comme preuve, et si tu les interrogeais, il dirait très certainement, vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ces versets, le Coran et de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru le verset 65-66 dans Surah Tawbah. Hein? Et ils ont mentionné le hadith d'Abdullah ibn Omar à ce sujet, qui est rapporté par l'imam Ibn Abi Hatim dans son tafsir. Un homme a dit durant la bataille de Tabouk, je n'ai jamais vu plus menteur, plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi et plus gourmand que nos savants. Un des hommes parmi eux dit, par Allah, je vais informer le messager d'Allah de ce que tu as dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Omar dit, l'homme alla voir le messager d'Allah et l'informa. Allah révéla donc ce verset. Et l'homme dit, l'homme qui a dit la mauvaise parole est venu et il s'agrippa à la monture du messager sallallahu alayhi wa sallam et dit, ô messager d'Allah, je jure par Allah que je ne faisais que bavarder et m'amuser. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce d'Allah de ces versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Le comité de fatwa, le comité permanent a dit ensuite, Allah a fait de sa moquerie des croyants une moquerie d'Allah. Allah a fait de sa moquerie des croyants une moquerie d'Allah, de ses signes et de son messager. C'est-à-dire que il ne s'est pas moqué d'Allah et de ses signes et de son messager. Il s'est uniquement moqué des savants. Malgré cela, Allah l'a déclaré mécréant après avoir eu la foi, et Allah a fait que de se moquer des croyants est équivalent à se moquer d'Allah et de ses signes et de son messager. Celui qui se moque du hijab de la femme musulmane et qui dit cette mauvaise parole est considéré par les sururis comme étant un savant éminent et un grand da'ya islamique. Et s'il insulte la religion, ce n'est pas grave. Hein? S'il insulte la religion, ce n'est pas grave. C'est qui a dit cette parole, qui a traité le voile de tente, hein? Le cheikh il a mentionné à la fin de la conférence que celui qui a dit cette parole est Muhammad al-Ghazali dans son livre Mustaqbal al-Islam Kharija Ardina wa Kayfa Nufakiru Fihi, qui signifie l'avenir de l'islam en dehors de sa terre, hein, en dehors des terres de l'islam, et comment nous y pensons. Il se moque du hijab et il dit cela fait partie de l'idéologie des poubelles. Hein? Voir son attaque du niqab et comment il le décrit comme étant une forme qui a l'apparence d'un démon. Shabha mithlu as-samt al-ifrit, il dit. Samt al-ifrit. Et il dit voici le livre de Othman Abdus Salam Nuh al-Tariq ila Jama'at. Voir le livre Othman Abdus Salam Nuh al-Tariq ila Jama'at al-Umm. Et le Cheikh Al-Albani a été questionné au sujet de Al-Ghazali et il a décrété qu'il était dans l'égarement dans sa cassette A'da al-Sunnah, et il a clarifié son manhaj dans Sifat Salat à la page 62. Donc ça c'est des exemples de Muhammad Surur qui défend des individus comme Muhammad Al-Ghazali et Hassan al-Turabi, hein, qui disent des paroles comme ça, hein, comme le Cheikh il dit. Hein? Lui, c'est un éminent, il dit qu'il est un éminent savant, un grand da'ya, et d'un autre côté, quand c'est le Cheikh Mukbil, ou le Cheikh Al-Fawzan, ou le Cheikh Ahmed Al-Najmi, ou le Cheikh Rabi', ou le Cheikh Al-Uthaymin, ou ainsi que d'autres savants du Tawhid, ils disent ceux-là, ils ne valent rien pour eux. Parce qu'ils appellent au Tawhid et à la Aqidah, Allahul Musta'an. Hein? Et donc, il y a plein d'autres exemples de ces choses-là. Yani, dans le livre en question, si vous voulez avoir d'autres exemples de ça, retournez au livre que j'ai traduit du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi, 20 points contre la secte des Sururiyah, et vous allez trouver plein d'explications et de détails à ce sujet. Donc ça c'est pour montrer la contradiction de Mohammed Surur et de ceux qui le suivent. Hein? Subhanallah. Donc ça, c'est pas permis de porter des vêtements qui ont un signe de Bouddha dessus, ou bien. En plus, si c'est marqué True Religion, ça veut dire vraie religion. Et si c'est le Bouddha qui est dessus, ça c'est clair que c'est pas la vraie religion, regardez. Et en plus, ça coûte cher. Donc si tu dis que ça, c'est clair que si quelqu'un porte ça, c'est pas correct. Quelqu'un doit cesser de porter ce genre de choses. Mais c'est pour dire, juste pour clarifier, parce que les sururis, les takfiris, tous ces gens-là, ils ramènent par exemple ces genres de photos, ces genres d'images. Ils disent, ah regardez, tel dirigeant, il avait une médaille dans son cou en forme de croix, donc ça veut dire qu'il est kafir, il était avec la reine d'Angleterre, il était avec le président, un tel et un tel, ça veut dire qu'il est kafir. Montrez-moi la parole des savants qui dit que celui qui a fait ça, il est kafir, s'il le porte juste comme ça, parce qu'on lui a mis, après qu'il la jette. Est-ce que tu vas dire que lui, il est kafir? Yani, de faire le takfir de cet individu-là, yani, ça demande des preuves. Hein, ça demande des preuves. C'est pas juste parce que tu l'as vu, on lui a mis une médaille, automatiquement tu dis qu'il est kafir comme ça. C'est exagéré. Yani. Donc, c'est ça. Ça fait partie des exemples. Ok. Ensuite, il parle de la da'wa hizbiya de Mohamed Surur et qu'il appelle au fait d'établir des groupes et de mettre sur chacun de ces groupes-là différents dirigeants et responsables et des chefs. Yani, il approuve de la hizbiya. Donc il dit Ad-da'watu ila al-hizbiya wal-imara walakin bithawbin jadidin kama bayana dhalika fi majallatihi. En passant, en plus, le roi Fahd, il est décédé maintenant. Donc, yani, de ramener ces exemples-là, yani, subhanallah, c'est à chaque fois qu'ils essaient de chercher des défauts, des erreurs dans les dirigeants pour essayer de faire le takfir des dirigeants. Alors que ces individus-là qu'ils défendent eux, qui prétendent qu'ils considèrent eux comme étant des savants de l'islam, des gens qui appellent à l'islam, qui appellent à des idées de kufr et des croyances de kufr, et qu'ils disent rien à leur sujet, ils les critiquent même pas. Donc comment ça se fait, vous vous défendez, on va dire à ces gens-là qui appellent à ces idées-là, parmi les sororias à Montréal ou ailleurs, on dit comment ça se fait, vous vous cherchez les erreurs dans les dirigeants, et des gens les dirigeants ce sont pas des savants de l'islam. Les dirigeants, ce ne sont pas des savants de l'islam. Et les dirigeants, ce sont des gens ordinaires, comme le commun des musulmans. Ils ne sont pas des savants de l'islam. Donc, comment ça, vous les prenez, eux, comme des cibles, et que vous les attaquez, que les critiquez, vous faites le takfir d'eux. Et les gens que vous considérez comme étant des savants de l'islam, des gens qui sont des représentants de la religion, qui appellent à l'islam et qui sont supposés d'être des gens qui donnent des fatwas, qui parlent au nom d'Allah et de sa religion, qui font des choses en opposition avec les fondements même de la religion musulmane, et vous dites pas un mot contre ces choses-là, et au contraire, vous les respectez encore plus, vous les défendez encore plus, et vous les excusez pour tout ce qu'ils font, même des choses de kufr et d'égarement. Donc ça, c'est une contradiction de la part de ces gens-là, Yann. Ensuite, le cheikh, donc, il dit, justement ici, « الدعوة إلى الحزبية والإمارة » ولكن بثوب جديد كما بين ذلك في مجلته العدد 29 تحت مقال الوحدة الإسلامية ولا يحق لأي جماعة مهما كان منهجها سليما الادعاء بأنها جماعة المسلمين ولا يحق لأمير هذه الجماعة لأمير هذه الجماعة أن يطلب البيعة لنفسه كما كان يطلبها خلفاء المسلمين ولكن يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس ونائب رئيس ومسؤولون عن الأقسام والفروع وأوامر تصدر فتطاع إلا ما كان مخالفا للسنة. Donc il mentionne cet exemple pour montrer que c'est des gens qui appellent à la hizbiyya et à établir des chefs de groupe. Et donc il ramène la hizbiyya mais dans un nouveau habit, dans une nouvelle apparence. Dans son magazine As-Sunna, le numéro 29, à la page 89, sous l'article qui s'intitule L'unité islamique. Il dit, il n'est pas permis à un groupe musulman, peu importe qu'il soit correct, de prétendre qu'il est le groupe qui représente les musulmans ou la jama'a des musulmans. Et il n'est pas permis au chef de ce groupe de demander l'allégeance pour elle-même comme les khulafa, comme les successeurs des dirigeants des musulmans le demandaient. Mais il a le droit, le chef de ce groupe a le droit, ainsi que ceux qui sont autour de lui, d'organiser les affaires comme une organisation, ou bien comme une société, une organisation de da'wah qui travaille dans le but d'établir la religion pour qu'elle soit tout entière pour Allah sur la terre. Et cela implique que cette organisation... que cette organisation possède un chef et Naib Raïs, un vice-président. Non, que cette organisation ait un chef comme un président ou un vice-président ou un responsable de différentes sections et de différentes branches qui vont donner des ordres et qui sont obéis, excepté si elles sont en contradiction avec la Sunna. Donc ça c'est une façon d'établir une forme de hizbiyya en contradiction avec le Coran et la Sunna sous une nouvelle apparence. Et donc c'est ça qu'ils font eux. Et en plus, al-sururiyya, ils ont qu'est-ce qu'on appelle As-Sirriya. Ils ont qu'est-ce qu'on appelle As-Sirriya, c'est-à-dire qu'ils font leurs associations et leurs groupes de façon secrète. Donc ils ont des allégeances secrètes et une bay'a secrète. C'est-à-dire qu'ils n'appellent pas tout le monde à faire partie du groupe. Ils appellent seulement certaines personnes en particulier pour faire partie du groupe et ils leur donnent des ordres. Ils donnent des ordres à ceux qui sont membres. Et donc, toi, tu peux être avec ces gens-là, tu le sais pas, mais eux, ils font partie du groupe et ils ont des ordres de leur chef qu'ils doivent obéir. Et c'est pour ça que tu vas remarquer que certains entre ces gens-là, ils s'obstinent des fois à faire des choses et toi tu te demandes mais pourquoi ils s'obstinent à faire ces choses-là alors que c'est des choses qui sont pas en accord avec la sunna, mais on dirait qu'ils se sont tous mis d'accord pour que ça soit comme ça que ça doit être fait. La raison pourquoi, c'est parce que ils ont des ordres qui viennent d'en haut et ils doivent obéir à ces ordres-là et donc ils se mettent tous d'accord pour le faire. Et des fois, ces gens-là sont reliés entre eux, mais toi, tu sais pas. Et donc, tu dis, mais comment ça se fait? Lui, il est d'accord, lui, il est d'accord, lui, il est d'accord. Ils sont pas ensemble nécessairement, mais ils sont d'accord sur ces idées-là qui sont contraires à la sunna. Eh bien, c'est parce que souvent, ces gens-là, ils ont des allégeances entre eux, qui sont des allégeances secrètes. C'est comme le cheikh ici, il a mentionné, cheikh Ahmed al-Najmi, parmi les points qu'il a mentionné, parmi les critiques qu'il a fait à cette secte, et il a mentionné la première chose, c'est le secret, sirriya, le secret et la cachotterie dans leur da'wah. Il dit que le secret et la cachotterie dans leur da'wah est inutile ici car le pays est musulman et supporte et aide la da'wah et donne des salaires à ceux qui travaillent dans la da'wah. La société musulmane supporte et soutient toute invitation à la réforme. Alors pourquoi faire les choses en secret, excepté parce qu'ils appellent à autre chose qu'à l'apprentissage des règles de la charia dans leur da'wah et qu'ils veulent se camoufler jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc, qu'est-ce qu'ils font, c'est ça. Ils font des da'wahs en secret pour justement se permettre de propager leurs idées entre eux. Puis, par la suite, lorsqu'ils ont l'occasion d'arriver au pouvoir ou de faire ce qu'ils veulent, eh bien là, ils dévoilent leur réalité. Donc, c'est des gens qui travaillent en sourdine, en secrète. Ensuite, il dit « Al-Qutbiya ». Ça, c'est un autre nom pour ce groupe-là. On les appelle les Qutbiyoun. Al-Qutbiyoun, c'est des gens qui sont influencés par les idées de Sayyid Qutb. Et le Cheikh, il dit, dans les paroles de Cheikh Ahmed al-Najmi fi kitabihi al-Mawrid al-Uthb al-Zulal, وهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده بل وعظموه كل التعظيم مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن كان وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعة الإعلامية التي أشاعوها ضد شيخ ربيع ابن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة وجعلوه متجنيا وظالما له ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى الأماكن والأرقام التي أشار الشيخ إليها في كتابه. Donc le cheikh ici, cheikh Ahmed al-Najmi, il mentionne Al-Qutbiyoun, qui ils sont, et il dit à leur sujet justement, qu'est-ce que j'ai traduit dans l'introduction du livre Les 20 points contre la secte des Sururiyah. Concernant les Qutbiyah, ce sont des gens qui ont étudié les livres de Sayyid Qutb et qui l'ont suivi dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il croit. Et ils l'ont agrandi, et ils le respectent au point de prendre tout ce qu'il dit dans ses livres comme étant vrai et correct, même si cela est en contradiction avec les preuves et opposé au manhaj des salaf. Cela est évident lorsqu'on voit la révolte et les propagandes médiatiques qu'ils ont soulevées contre le Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali quand il a réfuté Sayyid Qutb. Quand Cheikh Rabi a réfuté Sayyid Qutb, ils se sont tous soulevés contre le Cheikh Rabi et ils ont tous commencé à lui faire une propagande hein, de salissage et commencer à essayer de faire en sorte que les gens le détestent. Hein. Ils ont mis en garde contre lui et des choses de ce genre. Hein. Donc le cheikh il dit, ils ont présenté le cheikh Rabir comme celui qui a commis un grand crime et une injustice contre Sayyid Qutb. L'honnêteté ne les a pas amenés à retourner vérifier les endroits et les numéros de pages que le cheikh Rabir a indiqués dans son livre, comme par exemple l'insulte de Sayyid Qutb envers le prophète Moussa alayhi salam, et ses attaques contre le khalifa Othman radiallahu anhu, et le fait qu'il a fait tomber son khilafa du reste des khulafa al-Rashidin en disant que le khilafa de Othman était un trou entre eux. De même que ses atteintes envers les Sahaba, son ignorance du Tawhid al-Uluhiyya et le fait qu'il suivait la secte des Asha'ira dans la déformation du sens des attributs divins et dans ses positions incorrectes sur plusieurs autres questions reliées à la croyance et bien d'autres choses, Allahu al-Musta'an. Donc ça c'est des exemples hein, de la réalité des Qutbiyoun. Moussa alayhi salam. Il a dit à propos de Moussa que c'est un rajulun asabiyul mizaj. Attends, on l'avait lu justement au dernier cours. Il a dit ada mithalun lizza'im almundafi' al'asabiyul mizaj, que c'est un homme au tempérament nerveux et impulsif. Non, c'était pas par rapport au fait qu'il avait tué un homme. C'est à la page 200 de son livre At-Taswir al-Fanni fil Qur'an. Donc, ça doit pas être à cause de ça, mais sinon, tu peux retourner pour voir, ou bien on ramènera la citation complète du livre à ce sujet-là. Aynam, qu'est-ce qu'on a mentionné au sujet de, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Muawiyah et de Amr? Il les a insultés, il les a accusés de mensonges, de tricherie, de trahison, d'hypocrisie, de corruption et de toute autre sorte d'égarement de ce genre. Ouais, c'est ça. Comme on a dit tout à l'heure. Donc le cheikh il dit wa qala al-sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali fi maqal nashara bi unwan Sayyid Qutb huwa masdar takfir al-mujtama'at wa min ashadd al-harakat wa al-ahzab allati tad'i al-islah wa ashaddaha nikayatan 'ala. Le problème en fait avec ces gens-là, c'est que non seulement Sayyid Qutb c'est pas un savant de l'islam, hein, et que c'est juste un journaliste. Ils l'ont pris et ils l'ont mis à la catégorie des savants comparables à Cheikh Ibn Taymiyyah. Et Naam, c'est même pas un savant d'islam, ils l'ont élevé au niveau des savants. Quand ils parlent de lui, ils mentionnent Ibn Taymiyyah, ils mentionnent l'imam Ahmad, l'imam Ibn Taymiyyah, après ça ils vont mentionner Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, après ils mentionnent Sayyid Qutb. Des choses comme ça, ça c'est pas possible. Hein? Qardawi, mais. Hein? Ouais, pour eux, c'est à notre époque. Mais c'est incroyable de penser même que quelqu'un qui, dans toutes ces bid'ah, tous ces égarements qu'il avait, de penser même qu'il pourrait être une référence pour les musulmans de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, qu'est-ce qui est grave avec la question de Sayyid Qutb en particulier? C'est que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, à la base, ils ne respectent et ils n'aiment que les ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ils ne respectent et ils n'aiment que les gens de la Sunnah. Que les gens de Ahlus Sunnah. Les gens de Bid'ah, ils ne les écoutent pas. Et ils ne se réfèrent pas aux gens de Bid'ah. Mais qu'est-ce qui est étonnant avec l'histoire de Sayyid Qutb à cette époque-là? C'est que c'est comme si c'est quelqu'un qu'on a introduit parmi les références des salafis, alors qu'il n'a rien à voir avec les salafis. C'est comme si, hein, on a des références en tant que musulmans, en tant que salafi, on sait qui sont les ulama de la sunna depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, des tabi'in, des tabi'in, des imams d'ahl sunna wal jama'a, et ceux qui sont venus par la suite parmi les grands imams des salaf et les grands ulama qui ont défendu la sunna. Puis parmi eux, on introduit un intrus, Sayyid Qutb, qui n'est même pas un savant de l'islam, qui est un journaliste, qui a toutes les déviations que tu peux imaginer, il les a en lui, hein, et on le présente comme étant un des réformateurs de l'islam au XXe siècle. Alors là, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Parce que les ulama, ils ne lisent pas ces livres, comme j'ai expliqué déjà. Les ulama, ils ne lisent pas ces livres, parce qu'ils ont rien d'autre, ils ont bien d'autres choses à faire que de lire les livres de cet individu-là, qui n'est pas un savant. Donc, les ulama ne savent pas quelle erreur il y a dans ces livres. Ils ne savent pas les égarements qu'il y a dans ces livres. Mais ceux qui aiment Sayyid Qutb vont voir des ulama et vont lui lire des passages qui sont corrects pour que les ulama disent qu'il est bon. Mais ils ne vont pas leur lire les passages qui sont les erreurs et les égarements. Alors quand les savants vont entendre les paroles qui sont bien, ils écoutent ça et disent « Ah, mais oui, ça c'est un bon tafsir, c'est un bon livre. » Mais après, les gens ils prennent ces paroles-là et disent « Ah, mais les savants ont dit du bien de Sayyid Qutb. Les savants ont dit du bien d'un tel et d'un tel. » Alors là, maintenant, les ulama, comme c'est Cheikh Rabi et d'autres, eux, ils ont pas seulement écouté qu'est-ce qu'on a dit, ils sont allés lire ces livres. Ils les ont étudiés du début jusqu'à la fin. Et ils ont regardé et analysé et inspecté chaque parole, chaque citation, chaque explication. Et là, ils sont allés voir par la suite les ulama de Ahl Sunnah. Et ils leur ont montré ces paroles-là. Ils ont dit, qu'est-ce que vous dites, cher, de celui qui dit telle parole? Ils ont dit, ça c'est une parole d'égarement. Qu'est-ce que vous dites, cher, de celui qui insulte Moussa, alayhi salam? Ça c'est kufr, ça c'est des paroles d'égarement. Qu'est-ce que vous dites, cher, de celui qui insulte les sahaba, qui insulte Othman ibn Affan, qui insulte Muawiyah, radiyallahu anhu, et qui insulte Amr, hein, et d'autres sahaba comme ça. Qu'est-ce que vous dites de cela? Ah, ça c'est des paroles d'égarement. Et ainsi de suite, à chaque fois qu'il mentionne des exemples de qu'est-ce que Sayyid Qutb écrit dans ses livres, des citations d'égarement comme ça, ils mettent en garde contre eux, contre lui. Alors là, les gens de Hizbiya et les Qutbiyoun, ils peuvent plus se cacher maintenant. Parce que les savants ont parlé de ces erreurs, ils ont mis en garde contre ces erreurs. Donc qu'est-ce qu'ils essaient de faire maintenant? Ils essaient de ramener maintenant des fois des anciennes paroles, hein, des anciennes paroles de ulama qui ont parlé du bien, parce qu'ils ne savaient pas les détails et les erreurs qui existaient dans les livres de la personne. Donc c'est pour ça. Ça fait partie des raisons pourquoi beaucoup de gens sont mélangés à ce sujet-là. عليكم السلام ورحمة الله. دونك الشيخ إلزي وقال الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي في مقال نشره بعنوان سيد قطب هو مصدر تكفير المجتمعات ومن أشد الحركات والأحزاب التي تدعي الإصلاح وأشدها نكاية على الإسلام والمسلمين هذه الحركة السياسية التي تدعي أنها تحمل هموم الأمة وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الأسف لم تأتي البيوت من أبوابها لم تسلك طرق الإصلاح التي شرعها الله لأنبيائه ورسله من عهد نبي الله نوح عليه السلام إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته ومن هذه المناهج البعيدة عن منهج الأنبياء والإصلاح العقائدي والعبادي والسياسي منهج سيد قطب الذي ما زاد الناس إلا بلاء بل ودمارا فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعبادات وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف. Donc ça c'est un passage ici qui résume bien la réalité de la situation. Cheikh Rabi'a, donc, il dit dans un article qu'il a écrit qui s'intitule Sayyid Qutb et l'origine du takfir des sociétés musulmanes. Hein, parce que les idées de takfir qui ont été propagées à notre époque, elles ont comme origine et comme source les livres de Sayyid Qutb. C'est de ces livres à lui que ces idées-là se sont propagées. Le takfir des sociétés musulmanes aujourd'hui. Donc il dit que parmi les mouvements et les groupes et les partis qui prétendent appeler à la réforme, hein, et qui prétendent vouloir défendre l'islam et défendre l'intérêt des musulmans et les faire revenir de leur situation, c'est-à-dire les faire sortir de leur situation d'humiliation à notre époque, alors qu'ils sont en réalité ceux qui font partie de ceux qui font le plus de tort à l'islam et aux musulmans, il y a ces groupes politiques qui sont apparus à notre époque. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Qui prétendent vouloir aider l'islam et sauver les musulmans de l'humiliation, alors qu'en réalité, ils n'ont pas rentré par la porte. C'est-à-dire, ils n'ont pas suivi la méthode correcte pour arriver à cet objectif-là. Puisqu'ils n'ont pas suivi la méthode des messagers d'Allah et des envoyés d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans la façon de faire la réforme. Depuis l'exemple du prophète Nuh, alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre les messagers, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont tous commencé leur réforme et leur da'wah par le tawhid, par le fait d'appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son adoration. Et donc parmi les méthodologies qui sont apparues aujourd'hui et qui font partie des méthodologies qui sont les plus éloignées du manhaj des prophètes et des messagers et de la réforme dans la croyance et dans l'adoration et dans la politique, il y a le manhaj de Sayyid Qutb qui reste et qui continue à être une source de destruction et de malheur dans la Ummah jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est un manhaj qui prétend vouloir ramener les gens à qu'est-ce qu'on appelle « Hakimiyatullah », le fait de ramener les gens à Allah subhanahu wa ta'ala comme juge, hein, comme étant le juge dans toute situation, dans toute question, dans tout aspect de la religion, alors qu'en réalité, ils refusent le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les questions de croyance et dans les questions d'adoration et dans la façon dont on doit comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Parce que de juger par la charia d'Allah, c'est pas quelque chose qui se limite uniquement à l'application des peines dans la charia. De juger par la révélation d'Allah, ça s'applique à la croyance islamique en premier. C'est-à-dire que on doit juger selon le Coran et la Sunna pour distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux parmi les différentes croyances qui sont propagées parmi les musulmans chez les différentes sectes qui se disent islamiques aujourd'hui. Que ce soit les croyances et les innovations des soufis, ou bien les croyances et les applications des khawarij, ou les croyances et les pratiques des Asha'ira et des autres groupes. Si tu juges pas selon le Coran et la Sunna dans ces questions de croyances, alors quelle charia d'Allah tu as appliqué dans ce cas-là? Donc l'application de la charia et de juger par la charia, c'est pas seulement dans les questions de peine et de jugement, dans les questions de dispute entre deux personnes, mais c'est premièrement dans la aqida. Et de faire en sorte que la aqida qu'on suit soit basée sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et deuxièmement, également dans les questions d'adoration, pour trancher entre les innovations et qu'est-ce qui est réellement sunna. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, puis on va continuer la semaine prochaine, bi'idhnillah. Le frère va faire le adhan. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته